Tonight, we come together bound by our faith with genuine respect and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people, yet we are called to a perfect mission. Et bonjour, bonsoir à tous dans cette boîte à bordel qui est pas très forte hein, au niveau du volume. Tout en parlant, je vais trouver la solution. Bon, eh bien, je vous propose ce mois de février, puisque ça y est, nous avons passé le mois de janvier, nous allons vers une phase croissante. Ah si, ça y est, je sais pourquoi. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. C'est mon hémisphère gauche qui a parlé. Donc, disais-je, le mois de janvier, l'émission ne fut pas, puisque, bon, pour multiples raisons. Mais ça, là, en février, j'avais envie de vous faire une petite émission, encore sur un petit label, comme ça, que j'ai exploré grâce à un site internet que je fouille de temps en temps, qui répertorie tout un tas de labels voilà, pour me donner des idées, on va dire. Alors après, c'est pas le tout d'avoir des labels, il faut après aller fouiller, écouter, tout ça, défricher. Donc ce que j'ai fait. Donc là, cette émission 41 aura trait à un label colombien qui s'appelle Insurgentes, insurgé en français, et un sous-label qui s'appelle Tratratrax. Donc c'est un label colombien basé à Medellin qui explore l'IDM, l'Intelligent Dance Music, la Brain Dance, bon, de la techno, du breakbeat. Il y a des côtés un peu hyperdub. Et ce qui est rigolo du coup, c'est qu'il y a une influence très latine et j'aime bien voilà, ce côté réappropriation, ou du moins mélange des cultures, voilà, pour essayer de faire quelque chose d'assez construit, cohérent. Alors pourquoi un label du coup colombien? J'aurais pu prendre un autre label. Alors, c'est pour la blague, mais parce que il y a quelques jours, j'ai vu un article de presse qui m'avait fait rigoler et je me suis dit, oh vas-y, on va prendre celui-là, il est rigolo comme le nom du label Insurgé et qui vient de Colombie. Parce qu'on a retrouvé des crevettes, je ne sais pas si vous avez vu, en Angleterre, et on a retrouvé de la cocaïne en résiduel dans les crevettes. Alors voilà, ils ont fait des analyses et c'est rigolo de se dire que même dans les crevettes qu'on mange, il y a des substances psychoactives. Et donc comme c'est un label colombien, je me suis dit bah tiens, c'est rigolo, c'est un lien de cause à effet. J'aime bien l'absurdité. Après voilà, donc dans ce label, on va partir donc dans des contrées lointaines hein, pour voyager aussi un peu, musicalement parlant. Et donc on va se frayer telle une crevette dans la musique scène américaine avec, alors bon oui c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de soirées cumbia, reggaeton, mais il n'y a pas que ça et c'est ça qui est intéressant d'aller voir, d'écouter et de se rendre compte de ce qu'ils publient. Alors évidemment les labels qui sont voilà, partout dans le monde voilà, voyage aussi par rapport à un public qui est plutôt basé. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont basés à Miami, il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, Barcelone, etc. Mais voilà, du coup, il y a quand même un vivier d'artistes du coup, qui sont regroupés, d'artistes sud-américains qui sont regroupés dans ce label. Alors, ce label... Insurgentes, ah non c'était pas le bon truc. Eh ben, il a été fondé en 2017 par un producteur qui s'appelle Verraco. Donc c'est un producteur colombien, hein, donc qui a co-créé aussi le, alors l'autre label en fait, parce qu'il y a Insurgentes et Tratratrax. Alors Insurgentes, on est plus sur de la musique qu'on écoute au casque, quoi. C'est un peu plus mélodique, recherché, etc. Alors que Tratratrax, on est plus orienté sur des sons qui sont plus destinés à des clubs. Voilà, c'est une autre clientèle, donc qui rapporte différemment. Voilà, donc, mais malgré tout, dans Tratratrax, j'ai trouvé des albums qui avaient aussi quand même un côté assez intéressant à l'écoute, pour une écoute qui peut être festive, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, pour moi en tout cas. Bon. Donc ce Veraco, donc c'est un producteur qui tourne pas de mal donc au Royaume-Uni, donc sur un label qui s'appelle XL Recordings. Alors XL Recordings, donc c'est un label qui regroupe comme artistes Fontaine D.C., donc Tom York de Radiohead, Burial, et maintenant, Tom York de Radiohead. Y compris Burial, le truc sympathique de Hyperdub qui a donné des sous-genres, et donc il y a un artiste dans le label qui explore tout à fait les sonorités que Burial a un petit peu imprimées de sa patte. King Krul et Peggy Goo, voilà, en l'occurrence dans ce label. Donc on est sur lui en tout cas, plutôt donc un mélange de tribal, de techno, de reggaeton, et puis pas mal d'expérimentations sonores dans les textures, dans les ambiances. Voilà, ça remplit bien les oreilles, et c'est aussi intéressant d'un point de vue des images, les jaquettes aussi, j'aime bien. Voilà, il y a une recherche un peu dans les illustrations, et je trouve que c'est sympathique comme tout. Alors, on va débuter avec 5 morceaux, donc des fois c'est plutôt tra-tra-track, mais enfin, c'est un peu tout mélangé. Alors, il y a un groupe, un producteur qui vient du Pérou, on va commencer avec Dengue Dengue Dengue, et Prisma, c'est un autre producteur argentin. Il y a, je trouve, beaucoup de samples de sons qui sont utilisés pour donner un bruit assez surprenant, voilà, dans la construction sonore. Et là, c'est en l'occurrence un bruit de métal que je trouve qui ressemble vraiment à une barre en métal qui est travaillée. C'est très très très drôle, tout en étant dans un son un peu latin et électro. Après, il y aura Dr. Jeep. Lui, c'est un artiste new-yorkais. Et alors, le morceau est remixé par un japonais. Comme quoi, il y a quand même des mélanges. Waita à Igarashi. Voilà. Et après, on aura le boss, donc Veraco. Ensuite, on aura El Pui Bixi. Donc, lui, il vient d'Argentine. Et on aura De Grande, qui est un producteur français. Parisien, on va dire. Enfin, parisien. Qui est résident sur Rinse FM. Et là, on est sur un mélange un peu gabber, club et un peu latin, du coup. Enfin, c'est rigolo comme son, je trouve, que ce producteur se retrouve là-bas. Allez, assez parlé. Ça fait 2 fois que la bande qui est censée me donner le coup d'envoi est passée. Donc, on commence, allez, avec Dengue Dengue Dengue, avec le morceau Pliegues, et ensuite, on aura Dr. Jeep. Voilà. Allez, une boîte à bordel, encore bien bordélique. Oui! Thank you. We'll be right back. Sur Radio Dio 89.5 FM sur Saint-Étienne et vous êtes dans cette émission hein, où c'est le bordel puisque ça s'appelle la boîte à bordel et on va passer 2 heures ensemble mais là ça fait presque plus d'une demi-heure que je suis en ligne et, je vous ai fait une petite sélection d'artistes du label colombien Insurgentes, désolé pour mon accent espagnol, et Tratratrax. Alors, on écoutait en tout début Dengue Dengue Dengue et Prisma, un morceau qui s'appelait Plie Guess sur un album éponyme. C'est sorti en 2022. Ensuite, on avait Dr. Jeep avec le morceau Macumba. Remixé par Wata Igarashi sur un album qui s'appelait Mecha. Ça c'était sorti en juillet 2024. Après on avait Veraco, le morceau Entry of the Gods into Abura. C'était sorti sur une compile de 18... Non, c'était un EP, pardon, autant pour moi parce qu'il y a des compiles, mais là c'est un EP de 3 titres avec 3 producteurs différents, mais ça fait une mini-compile, on va dire, qui s'appelait Medellin Rave Society, et c'était sorti en octobre 2019. Ensuite, on avait L Plus... Alors, ça s'écrit P-L-V-Y-B-X-Y, avec le morceau Burbureo. Sur une compile donc là de producteurs qui font partie du label, c'était sorti en novembre 2025 qui s'appelait No Pare Sigue Sigue et alors je confonds toujours l'italien et l'espagnol due uno due un dos pardon dos excusez-moi No Pare Sigue Sigue dos. Lui, c'était un producteur argentin. Et enfin, donc, le petit français qu'on vient juste d'écouter, qui s'appelait De Grandi, avec un morceau qui s'appelait Testa Dura, sur un album éponyme, qui est sorti en octobre 2025 chez Tratratrax. J'avais vu qu'il était passé au sucre De Grandi l'année dernière. Je ne connaissais pas encore. J'ai encore raté ça. Oh. Enfin, petit aparté. Ce week-end, il y avait Acid Arab au fil et c'était bien cool. Ouais, une bonne ambiance, j'ai trouvé ça... Ouais. Et après, j'ai voulu absolument aller au Sucre voir Interlope parce que je m'étais trompée de date sur un billet. Enfin, je raconte ma vie et tout ça. Et je voulais surtout voir le public du Sucre qui réagissait à des sons plutôt basse breakbeat. Je voulais me rendre compte parce que c'est pas du tout le public du Sucre. On est sur du son techno, art techno, enfin voilà, des sons club un peu plus durs, quoi, ce qui se passait en ce moment, quoi. Et je suis arrivée un peu tard, il était 1h30, 2h, j'ai loupé le set d'Interlope, mais enfin, c'est pas grave. Il y avait une DJ qui mixait à la fin. Et en fait, elle essayait hein, de mettre de la de jungle de drum and bass. Et puis de temps en temps, hop, elle repassait un peu en essayant de mettre des sons un peu break. Mais ça prenait pas, quoi. Les gens, ils étaient là que pour des sons durs, art techno. Et le gabber, il prend un peu. Ouais, ça marche bien, ça. Et ils aiment bien. On voyait hein, les gens danser, voilà, répondaient, ça sifflait, nanana. Mais dès qu'elle s'orientait un peu sur des trucs, ce qui passait en bas à la péniche loupica, pour ceux qui connaissent un peu, et ben, ou au clapier, on va dire. Là, ça marche bien, voilà. Mais c'est rigolo. Enfin, bref, j'aime bien observer le public, réagir au son et me faire une idée un peu de... Là, je sais pas comment on appelle ça. Ça doit être documenté en musicologie, l'anthropologie... de what you like, non, ce que tu écoutes et ce que tu es, what you like et non, oh, je ne sais plus comment on le dit en anglais, you are what you are, listen to, voilà ça. Enfin, bon, allez, on avance dans cette émission avec un son. On avance aussi. Alors oui, j'étais un peu à vous récupérer, enfin à essayer de vous accrocher hein, en fait, de la manipulation mentale. Avec des sons un peu club et tout, forcément, au début, voilà. Puis là, on rentre un peu dans des sons un peu plus, je trouve, travaillés, etc., ou qui nécessitent une écoute active. Mais j'aime bien aussi danser, bouger en même temps que mon cerveau y danse. C'est ce qu'on appelle donc le brain dance. Voilà. Je trouve que c'est allier l'utile à l'agréable, on va dire. Mais d'une façon vraiment agréable. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Donc Veraco encore, hein, en 2020 sorti un morceau qui s'appelait Breaking Hegemonies, son album qui s'appelait Grial, et un spray, Sef, c'est un producteur de Buenos Aires, qui est aussi dirigeant d'un label qui s'appelle Hola Magna, très très bonne découverte, assez mental, trippy, tribal, hein. Mais... je trouve assez recherché parce que les sons tribal, trippy, il y en a hein, en teuf et tout ça, mais je trouve que ça m'emporte pas trop, quoi. J'ai besoin de, je sais pas, il y a un petit truc subtil qui me permet de d'accrocher. Ensuite, il y aura un autre artiste qui s'appelle Distancia, qui a un morceau qui s'appelle Impulso Dissidente. Ça, c'était en 2019. J'aime bien mon petit accent. Hein. J'avais marqué que la photo de cet album était sublime, en noir et blanc, carré, on se croirait un peu en Patagonie, je trouve qu'il y a un côté, une ambiance avec un gros grain de 3200 ISO, j'avais marqué. on peut quand même souligner les jaquettes assez surprenantes, en tout cas pour... pour moi, dans les photos argentiques, j'aime bien. C'est bon. Et après, on aura Thomas Urquieta et Loé. Là, c'est un Chilien qui vit à New York avec un morceau qui s'appelait Orchide. Et enfin, on aura Esmeralda, El Amor Eficace, Ruido y Flor. Voilà, c'est l'album. Trac, trac, trac. Donc, lui, il vient de Bogota. Et ça, c'est. Ah oui, c'est un morceau un peu ambiante. Ah oui, quand même, hein, ils vont. C'est ça qui vient dans les labels où on va explorer tous les genres. Alors, évidemment, il faut vendre des albums qui vont sortir pour les clubs, pour un public qui aime ce genre de son. Mais il y a aussi les niches, etc. Et ils prennent le risque de faire des albums de ce style. Et là, c'est une réinterprétation d'un orage. Musicalement, c'est très nonchalant, c'est très prenant. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je vous partage Esmeralda. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, Veraco, Sef, Distancia, Thomas Urquieta, et on reprendra sur Esmeralda. Ouais, non, ça sera trop long après. On ne se sera pas entendu. Enfin, vous m'aurez pas entendu depuis trop longtemps. Vous aurez cru que je serais partie. J'ai mis en lecture automatique. Mais non. Je suis là. Je suis derrière le micro. En vrai, j'existe. Oui, je ne suis pas une intelligence artificielle. Je fais des erreurs et tout. Comme beaucoup d'humains. Mais bon, bref. Là, j'appuie sur l'écouture. Et en avant, Breaking Hegemonies. We'll be right back. Toujours dans la boîte de bordel. Et chose promise, chose due, on est parti un peu plus loin, voilà, dans les contrées lointaines de Colombie. Et je vous ai fait une petite sélection de 5 petits morceaux avec, donc, en premier lieu, Veraco. Enfin, si vous voulez juste savoir dans le désordre, on va aller dans le désordre puisque c'est la boîte à bordel. Ce qu'on vient d'écouter, c'était Thomas Urquieta et Loé, un morceau qui s'appelait Orchide. Sur un album qui s'appelle Al David Muerte. Et ça, c'était sorti en octobre 2021. Donc lui, c'est un Chilien qui vit à New York. Avant, on avait Distancia avec le morceau Impulso Dissidente sur l'album éponyme presque Dissidente, sorti en novembre 2019. Oui, avant, et c'était Seph, S-E-P-H, donc assez trippy, hein, je vous ai prévenu. C'était un album sorti en 2019 d'un EP qui s'appelle Tierra del Fuego. Le morceau s'appelait Geomancer, sorti en 2019. Avant encore, c'était Re-Seph avec un album qui s'appelait Fiera, pardon, l'album, et le morceau Anti-Debug, sorti en 2025, et en tout premier lieu, c'était Veraco avec le morceau Breaking Hegemonies sur un album qui s'appelait Grial, sorti en octobre 2020. Poursuivons donc, avec Esmeralda pour un morceau qui s'appelle El Amor Eficaz sur l'album Ruido y Flor. Producteur de Bogota, donc ce que je vous disais, un son un peu ambiante. Après, on a encore Veraco, ouais, excusez-moi, c'est la sélection, hein, j'ai pas fait exprès. Donc, on aura un autre morceau qui s'appelle Don't Kill M. All, sorti en 2018. Après, il y aura Siete Cartoce, Cartos 14, Freno, le titre du track, l'album No Pare Sigue Sigue, mais Dos. Une compilation de 18 titres sortis en 2024. Lui, donc, c'est un Mexicain. Ah oui, c'est une histoire assez surprenante. Mexicain qui, alors, parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, qui voyagent dans le monde et ils ont des influences multiples, et c'est ça qui fait leur personnalité assez atypique, et j'aime bien. Donc lui, Mexicain, ayant vécu en Californie jusqu'à son adolescence, et qui est et qui a en fait une ambiance asiatique dans le quartier où il vivait, et ce qui fait qu'il a une multi-influence assez surprenante. Il vivait autour d'une communauté asiatique qui s'appelait les Mexicali. Donc il mélange tout ça et il y a des sons alors apparemment préhispaniques. Siete Catorce. Alors. Je dis Esmeralda, Veracruz, Siete Catorce. Après, alors ce sera un peu club encore. Je suis désolée. On revient un peu vers la fin. Ouais. Comme dirait l'autre, il y a du rythme, il y a de la vitalité. Ce sera donc un producteur qui s'appelle Nick Leon, feat DJ. Alors, Baba the Raptor, ouais, qui est un Vénézuélien, qui est le parrain d'un genre qui s'appelle le Raptor House, qui est donc un genre fusionné de trance européenne et de ghetto tech un peu. Qui lui aussi était passé au sucre l'année dernière. J'ai raté. Voilà. C'est un morceau qui s'appelle La Révolution. Et après, ben, il y aura trois derniers petits morceaux. Et puis après, ben, il est 21h47 sur Radio Dio. Et la sélection se poursuit. Non pas en ASMR, mais en Esmeralda ambiante. C'est parti. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. toujours sur Radio Dio. Et oui, c'est en direct. Enfin, pour ceux qui écoutent en podcast, pas trop. Mais si c'est le cas, merci de m'écouter. J'espère que vous êtes bien réveillés en cette veille de lundi. Alors, on vient de s'écouter. Pareil, alors, j'ai pas tout à fait annoncé la vérité tout à l'heure dans cette boîte à bordel sur le label Insurgentes et Tratratrax. J'ai passé à, parce qu'il faut que je coupe dans, il est 22h15, j'ai passé un producteur canadien basé à Berlin qui s'appelle Aquarion. Je trouve assez, assez marrant ce truc un peu euro-trans, euro je sais pas quoi, sorti en août 2024. Et voilà, le morceau s'appelait Cool Ranch FM. Avant on avait Nick Leon featuring DJ Baba the Raptor. Donc voilà, c'était assez club. Voilà, pour dire, voilà, dans le label il y a un peu de tout quoi. J'aurais pu épargner les auditeurs de Radio Dio, mais bon, ouais, j'ai dit qu'il fallait que je sois assez objectif. Bon, on peut aller sur ce terrain-là un petit peu, pas trop. Oui, ça casse la tête après, je suis bien d'accord. Mais bon. Avant, il y avait Siete 14C, donc le fameux Mexicain qui a vécu en Californie asiatique, qui a proposé donc un morceau assez surprenant qui s'appelait Siete 14. Non, Freno, autant pour moi, pardon, je suis fatiguée. Siete 14C, c'est l'artiste, Freno, c'est le morceau et le. Et la compilation sur laquelle le morceau figure s'appelle No Pare Sigue Sigue Dos. Et c'était sorti en 2024. Et avant, donc, on avait Veracao avec un morceau qui s'appelait Don't Kill Em All sur un album éponyme. C'était sorti en 2018. Et avant, donc, Esmeralda avec un morceau qui s'appelait El Amor Efficace. Et l'album s'appelait Ruido y Flor. Voilà. Ah, il revient lui. Bon, je voulais faire une petite respiration dans cette émission à 22h17. Parce que je suis tombée sur une vidéo dans mes scrolls, parfois qui peuvent être assez agaçants. Bon, il y a des choses intéressantes et puis vraiment il y a des trucs on perd du temps quoi, c'est mal. Et là je suis tombée sur une vidéo assez surprenante. Alors peut-être que certains l'avaient déjà vue et connaissent un petit peu ce truc du cimandre. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors je explique. Alors je suis tombée sur une vidéo d'un moine orthodoxe qui tape sur une planche en bois à un rythme d'une frénésie assez surprenante, mais très rythmée, d'une façon très tribale. Et donc, je me suis dit, je vais vous partager ce son, parce que ça dure 3 minutes 50. Alors, que je explique le contexte, donc pourquoi un moine orthodoxe, on s'en fout, on est dans une émission musicale d'électro, c'est quoi le rapport? Et bien en fait, c'est surprenant, parce que du coup, quand vous allez écouter ce son, vous allez dire, ah, on pourrait le sampler pour faire des sons électro, grave, ben ouais, c'est ça que je trouve marrant. Et l'histoire de ce truc, le cimandre. Alors, en fait, donc c'est une planche en bois, en hêtre ou en tilleul, ou ça peut être des plaques en métal, donc sur laquelle on frappe avec deux marteaux. Donc ça va être... Et donc, cette planche en bois, elle est utilisée par les moines orthodoxes actuellement pour l'appel à la prière, aux offices religieux. Et en fait, ça a remplacé les cloches parce qu'elles ont été interdites lorsque les Ottomans ont envahi les Balkans, pour résumer. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce cimandre, ce qui est surprenant, c'est qu'en Gaule, en Occident, la cimandre existait aussi. Et donc, et par contre, du coup, ça a été remplacé par des cloches. Donc, au 5e siècle, avant le 5e siècle, on utilisait ce genre de choses, tac, pour dire des trucs via l'église du village, on va dire. Mais c'était pas encore tout à fait l'église, enfin les églises qu'on connaît. Et alors, apparemment, il en existe encore une de cimandre à Saint-Étienne, mais pas de Saint-Étienne, l'église de Saint-Étienne de Bourges. Et elle a été restaurée et on l'utilise encore alors, durant la Semaine Sainte à la place des cloches. Parce qu'en fait, ce bois, il symbolise la croix du Christ. Et en Roumanie, les moines orthodoxes, ils prêtent comme pouvoir d'éloigner les mauvais esprits. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais un petit partage et puis voilà. Alors, j'ai trouvé ça sur un groupe qui s'appelait Soul Seeker. Allez, hop. Donc, il fait une petite prière avant et en avant. Ouais. Non, c'est une vidéo YouTube. Hein. Surprenant. Ouais. Je trouve que c'est dommage qu'on ait plus trop ça dans les églises actuellement. Parce que moi, j'habite à côté d'une église. Bon, l'Angélus matin, midi et soir, c'est rigolo. Mais je préférerais écouter ça. Franchement, je trouve et ça donnerait envie à certains peut-être d'être moines. Voilà. Alors là, en l'occurrence, il s'appelle Alexis Zorba. Ouais, Zorba, la mouche. Ouais. Si vous avez envie d'écouter d'autres sons de Cimandre, ben c'est voilà, open bar sur YouTube. Il y en a pas tant que ça en fait, mais enfin en tout cas assez tripante comme ça. J'avoue que là j'étais assez surprise. Bon, eh bien il est 22h23 et alors comme toute fin d'émission, alors on va aller sur le terrain des nouveautés. Ouais, quelques nouveautés quand même. On se termine bien avec Mark Pritchard. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans les nouveautés ? Alors, bon, j'ai noté quelques petits trucs, mais bon, j'ai noté que il y avait un album que j'avais pas eu le temps de présenter plusieurs fois. Bon, c'était le retour de la Muerte, vous savez, Muscle Producer Perium, MVURTE, et qui avait sorti en janvier dernier un album qui s'appelle Media Nocte, et le morceau c'est Breathing In, Breathing Out, un peu son dark wave ou dark, c'est le dark. Ensuite, j'avais Dalek, parce que j'avais aimé ce son, c'est un peu plus hip-hop, rap. Il y avait eu des featuring avec Oda T, qui était un producteur qui était sur Jaring, et j'avais bien aimé. Voilà. Et donc, il y a une sortie de Dalek et surtout une prestation au Sonic à Lyon. Et pour la petite histoire, le Sonic est une péniche. Hey, Stéphane Ragnard, t'en fous de Lyon? Bah oui, mais bon, c'est bien de dire un peu les choses partout ailleurs dans le monde, peut-être pas, mais enfin localement. Qui est une péniche qui était vérifiée là récemment, parce qu'elle était. C'est une péniche, quoi, comme toutes les péniches, des fois c'est. Ils interdisent les soirées parce que elle est plus réglementairement sécure pour les gens. Du coup, en hors eau, elle était conforme. Donc c'est reparti, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Parce que c'est vrai que c'est un lieu sympa pour toutes les soirées un peu atypique aussi, sympathique. J'aime bien. Donc il fera une petite soirée le 7 mars à 20h. Et il y avait Kanka et Art X, mais c'est surtout Kanka qui là j'ai vu un single qui était sorti en juin 2024 pour les amoureux de l'électro dub, avec un son caractéristique qui était sorti sur plein de sorties sur le label Hammer Bass, et c'est un producteur français qui vient de Rouen. Voilà, Kanka. Donc j'ai sorti un petit single là qui était sympathique, voilà. Alors Revival aussi. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout. Et puis après on aura un petit qu'est-ce que c'est. Oh si. Un qu'est-ce que c'est. Un petit peu qui va déborder, mais bon, c'est pas grave. Non. Ouais. Allez, alors, donc, il faut aller sur l'autre. Breathing in, breathing out. Amouerté. We'll be right back. be chasing. Ayo, they demonize the Haitians, erase the vital history, bleed and needed misery. Bates, angry brains, I recite straight from memory. Style, rude, the battery, content exemplary. Life don't make no sense to me, my mind's its own entity. Exists through eternity, my voice is pure energy. Bad of our existence, we change fundamentally. Transmitting memories, mastery and speech leaves little room forever. Retrace my final steps on an initial endeavor. Would rather spark a move. It could be a trendsetter. Bounds for my brethren, we all in together. Boycott these bloated fish, time to add pressure. These drastic times multiply my drastic pressures. Algebraic math cast truth numerically. Modern day Venetians, they speak phonetically. Genetically, I'm vulnerable, my anger exponentially. Keep testing me, see if I act sensibly. A few spit that rail, but they lack the complexity. They ain't ready, be ready. They ain't ready. If you ain't here to uplift, then I'm severing. Fuck the dumb shit, I ain't settling. No time for the trash that they peddling. Why the fuck would I bear when I'm better than? If you ain't here to uplift, then I'm severing. Fuck the dumb shit, I ain't settling. No time for the trash that they peddling. Why the fuck would I bear when I'm better than? By any metrics, been left unimpressed with they nonsense. Collectively, the species been losing consciousness. Personally, this whole world lost my confidence. And I ain't even trying to sound dominance. No need to assert dominance. Disdain for normalcy, well documented. Conformity constantly circumvented. Stand on your word and your business as if you've been it. Consider this the last sentence. Next paragraph's intention. Certain situations require chin checking. No time to decipher your mix. Message. At times the only way through you from resetting. It's their lack of dedication that I'm rejecting. The lesser path can always seem a bit tempting. We built for struggle, subtle nods to those producing light, not just reflecting. We see sections, interconnected, beautiful imperfections. Strength tested potential, we the culmination of your misconceptions. Defined existence can always change with perception. Regardless of intention, the world you built could be dismantled in seconds. If you ain't here to uplift, then I'm severing. Fuck the dumb shit, I ain't settling. No time for the trash that they peddling. Why the fuck would I bear when I'm better than? If you ain't here to uplift, then I'm severing. Fuck the dumb shit, I ain't settling. No time for the trash that they peddling. Why the fuck would I bear when I'm better than? If you ain't here to uplift, then I'm severing. Fuck the dumb shit, I ain't settling. No time for the trash that they peddling. Why the fuck would I bear when I'm better than? If you ain't here to uplift, then I'm severing. vous êtes toujours et sur Radio Duo et ou sur un podcast et ou en tout cas sur Saint-Étienne ou ailleurs. Et l'émission se termine et quand ça se termine, eh ben, on a la haute trop. Ah ben non, c'est Arnaud, parce que c'est le qu'est-ce que c'est. Oui, parce que c'est pas tout à fait fini. 22h42, ouais, Saint-Étienne. Eh ben, oui. Alors déjà, pour vous dire ce que je viens de passer, hein, comme ça au moins vous saurez. Donc c'était Kanka avec un morceau qui s'appelait Ring. Tout ça pour dire parce qu'ils se produisent au Ring, au Vex Club bientôt. C'est le combien j'ai marqué. À Bourg-les-Valence, le 6 février. Ouais. Et Art X. Et après il y avait Delec, j'avais dit. Avant, le 7 mars, au Sonic à Lyon. Et la Muerte. Ouais, parce qu'en fait, Dalek Abi va sortir un album, en fait. Donc c'est un single qui est extrait de son prochain album. Bon, alors le qu'est-ce que c'est. Et avant, c'était La Muerte. Ouais, vous suivez, hein. C'est le bordel, ça y est. C'est la vraie boîte à bordel. Arnaud. Alors, qu'est-ce que c'est. Alors, en fait... Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de l'acheter, ce vinyle, parce que je me disais, enfin, je l'écoute trop et il faut que je l'achète. Et c'est vrai que j'achète pas trop des vinyles parce que je suis toujours en train de me poser la question, mais c'est du plastique, c'est encombrant, mais c'est quand même une restitution sonore qui est de haute fidélité, je ne peux pas le contester, c'est tout à fait vrai. Malgré tout, cependant, c'est un budget, et c'est vrai que le stream... C'est quand même plus commode, mais on n'a pas chez soi le support physique. Alors quand on peut stocker, bon c'est bien, mais quand on n'a pas ce luxe, c'est vrai que c'est embêtant. En plus du budget. Bon, malgré tout, donc, je vais vous passer un vinyle, donc. Donc c'est la première fois que je vais le jouer. Mais l'album, je l'ai écouté des milliards de fois, on va dire, en stream. Sur la platine de Radio Duo. Le diamant va inaugurer l'album. Alors, mais qui est-ce? Ah ben, c'est mon psy en ce moment, c'est Flavien Berger. Bon, je suis allée me balader à la FNAC de Bellecour à Lyon. Mais qu'est-ce qu'elle fout à Lyon? Elle est jamais à Saint-Étienne. Mais j'ai été à la FNAC à Saint-Étienne et j'ai pas trouvé Flavien Berger. Du coup, je suis allée là-bas. Je dis, oh tiens, je vais aller me balader en nocturne. Parce que, bon, en même temps, il ferme pas très tard. Hein, les magasins à Lyon, c'est pas comme dans d'autres villes où on peut aller traîner jusqu'à minuit. Oh, ça c'est le pied quand on est nocturne. Voilà. Au moins, il y a des endroits où on peut écouter de la musique, on peut faire des trucs tard le soir plutôt que d'aller boire et faire des bêtises dans la rue ou des choses comme ça. Au moins là, bon bah on est un peu contenu, voilà. Puis c'est comme d'autres villes dans le monde, au Japon en l'occurrence, par exemple, ou je sais pas, dans d'autres villes, voilà, il y a une ville nocturne, quoi, mais un peu plus structurée, pour pas faire des bêtises. Enfin bref, donc je vais à la FNAC, parce que je voulais acheter à lui un livre sur les parasites, parce qu'en ce moment c'est mon délire. Bon, les parasites intestinaux, les parasites tout court. Et donc je vais dans le rayon musique et tout, et là... Je vais mettre la outro, c'est plus rigolo. Parce que c'est la fin de l'émission. Et donc, je vais dans le rayon des CD, vinyle. Alors, il était 19... Alors, le magasin ferme à 19h30. Donc, il était 19h20. Et je me dis, tiens, est-ce qu'ils ont Flavien Berger? Je fouille. Alors, je commence rayon électro. Alors, déjà, je vois Boards of Canada. Je suis, oh, c'est déjà pas mal. Il y avait Chien Méchant. Il y avait Boris Pupul. Enfin, il y avait pas mal d'artistes que j'apprécie beaucoup. Outre les autres trucs un peu voilà électro pas top que Fun Radio quoi, énergie et du coup bon bah je ne le trouve pas, alors je vais me rendre, je me dis bon je vais dans Variété Française, alors je fouille et là sort le disquaire responsable du rayon et je lui demande vous avez Flavien Berger parce que je voulais absolument plouf le dernier album, alors il me dit oui, ben, je lui dis vous l'avez rangé où? Alors il me dit dans Pop Rock. J'ai ok, donc je vais dans à 19h25 hein, Donc je fouille et je trouve Plouf. Oh, j'étais trop contente et tout. Oh. Alors je le prends et puis là je m'en vais du rayon. C'est 19h25, accessoirement, il faut que j'aille à la caisse. Et là le disquaire du rayon me poursuit. Il me dit je suis là aussi si vous voulez. Il me tend dans 100 ans. Ah, je lui dis oh. Alors, du coup je l'ai pris, donc j'ai pris des albums de Flavien Berger. Voilà, 70 balles. Bon, c'est pas. C'est la vie, c'est comme ça. Donc là, je vais vous passer un morceau de 7 minutes, parce qu'il est 22h47, qui est en fait, alors Plouf, Plouf, Plouf, Plouf. Pourquoi Plouf ? Parce que bah, c'est pour les fans de Flavien Berger, c'est un album assez surprenant. Bon, déjà, je trouve qu'il est, il est une, au niveau musical, il est vraiment un touche-à-tout, cet artiste, dans, aussi bien... au niveau machine, au niveau sample, au niveau création, enfin sonore, c'est mélodique, c'est mélancolique, il y a des textes, enfin voilà, je trouve que c'est un artiste vraiment très complet. Sur scène, en concert, il fait jamais ce qu'il produit sur ses albums, voilà, donc c'est une expérience aussi immersive. Différente à chaque concert, donc il explique un peu comme ça, chaque personne a l'impression d'être dans une situation hyper singulière et voilà, privilégiée en quelque sorte. Et il fait quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'il reprend des albums qu'il a créés pour en refaire d'autres, on va dire, des réinterprétations, et là donc Plouf, c'est une réinterprétation de jazz de certains titres phares qu'il a produits auparavant. Je prends la jaquette, hein, c'est pour m'aider un peu. Donc c'était 10 ans après Léviathan. Ouais, je vous avais passé un morceau, le morceau de Léviathan qui dure plus de 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc là, je vais vous passer Tête en bas. 8, alors c'est une reprise du morceau 88 voilà. Et donc là en l'occurrence, donc c'est interprété, alors il y a par des artistes un peu de partout, c'est alors il y a Akemi Fujimori, donc, y a, je connais Michel Blad, guitare voix, Kiala Ogawa, donc au Moog, Mini Moog, Jurlitz, je ne sais pas ce que c'est. Thibaut Merle à la flûte traversière, clarinette basse, saxophone, piano voix, Cédric Laban, batterie, Vermona MK3, percussion voix, et Flavien Berger, voix, piano, guitare, carillon et bol. Ouais. Bon, bref, c'est la fin. Eh oui. Et on. Alors, je vais mettre le diamant. Je vous dis bonne nuit. À la semaine prochaine. Au mois prochain. On sera au mois de mars. Ouais, on avance en 2026. Ça y est. Hein. Ça sera le troisième mois. Là, on en est au deuxième. Ouais. 28 jours. En plus, il passe bien vite celui-là, normalement. Ouais. Et facture, elle. Bah, c'est les mêmes. Hein. Le loyer, c'est le même en janvier, en février, en mars. Enfin, tout est pareil. Quoi. Enfin, bref. Pas le salaire. Enfin, bref. Ah oui. Allez, bonne nuit, faites de beaux rêves. Un non n'est toujours pas un oui. Et gardez la foi. Allez au bout de vos rêves. Et soyez forts. Reminéralisez-vous, c'est très important. Voilà, parce qu'on est très stressé dans la vie et on perd beaucoup de minéraux. Faites des petites cures de magnésium, de vitamine C. Alors la vitamine C, elle ascorbate. Parce que la R ascorbate. Elle n'est pas bien assimilée, donc il faut de la vitamine C naturelle. Magnésium, vitamine C, vitamine B, des choses vivantes. Voilà. Alors, hop, j'allume la platine. Et à bientôt sur Radio Dio. Ah, j'ai pas bien l'habitude de cette platine. Je suis pas une... Allez. Heureusement que le morceau, il est au début, parce que s'il était au milieu, ça aurait été très dur. Donc, vinyle gauche. Paf. Et hop là. C'était Flavien Berger, mais c'était pas 8 fois. C'était Mireille et Adieu. Et c'était bien sûr Plouf, par contre. Je me suis trompée entre la face A et la face B. Mais tous les titres sont... voilà, c'est pas très grave en soi. Ouais. Donc adieu pour de bon. Enfin, adieu. Au plaisir de vous revoir, de vous entendre. Enfin, en tout cas, que la réciprocité se produise de nouveau sur Radio Dio. Retour avec le programme habituel.